بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères, barakallahu fikoum, la lecture de cet épître très profitable du très savant Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, concernant les signes distinctifs des gens de la sunna. Écrit très important, comme j'avais dit précédemment, que beaucoup de personnes s'affilient à la sunna. Beaucoup de personnes s'affilient à la sunna, mais en réalité ne connaissent pas les signes distinctifs des gens de la sunna. Ne connaissent pas les caractéristiques des gens de la sunna. Et c'est ce que nous allons essayer de voir tous ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, durant ces cours. Et donc le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il a cité donc le fait que les gens de la sunna, ils s'accrochent à la sunna. Ils s'accrochent fermement à celle-ci. Et ensuite il nous dit, walidhalika summu ahla sunna. Et c'est pour ceci qu'ils ont été appelés les gens de la sunna. Li'annahum yasiruna ala sunnati rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam, fasummu bil firqati najiya. Et donc, car ces gens-là, ils œuvrent en se basant sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela qu'ils ont été appelés le groupe sauvé. Ils ont été appelés le groupe sauvé. Pourquoi? Li'annahum najaw min an-nari bi khabari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été appelés le groupe sauvé car ils sont sauvés du feu. Et ceci en se basant sur l'information venant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Wa sitaftariku ummati ala thalathin wa sab'ina milla kulluhum finnari illa millatan wahida kalu man hiya ya Rasulallah kalu ma ana alayhi wa ashabi. » Et donc, il a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que sa communauté va se diviser en 73 groupes, tous dans le feu, sauf un. Et il dit « Mais quel est ce groupe sauvé, au messager d'Allah ?» Il a dit, celui qui a la même pratique que moi, ainsi que mes compagnons. Et donc, Fesummu bil firqati najiya. Ils ont été appelés le groupe sauvé. Ils ont été appelés les gens de la sunna, parce qu'ils s'accrochent à la sunna. Ils ont été appelés le groupe sauvé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'ils sont sauvés, que c'est le groupe qui est sauvé. Li annahum najaw min hadha al-wa'id. Na'am bitamassukihim. Et donc, ils ont été sauvés de cette menace douloureuse et terrible à cause du fait, et ceci grâce au fait qu'ils se sont accrochés à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Wahum humulladina tabaru sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar walladina tabaruhum bi-ihsan. Et donc, ce sont eux les gens de la sunna. Ce sont eux les gens du groupe sauvé. Ce sont eux qui ont suivi les prédécesseurs, les premiers parmi les muhajiroun et les ansars, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Ce sont eux, Allah tabaraka wa ta'ala, qui dit « Walladhina taba'uhum bi ihsan » et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. فَلَمْ يَتَّبِعُوهُمْ بِالْإِدْعَاءِ وَإِنَّمَا بِالْإِحْسَانِ وَإِتْقَانِ وَانْدِبَاطِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ بِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ النَّافِعِ سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر. Quelle belle parole qu'il prononce ici l'imam Al-Fawzan rahimahullah. Et donc il nous dit que ces gens-là, ils ont suivi les premiers, les prédécesseurs, les compagnons. On a vu que pour aller au paradis, que pour bénéficier de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, et pour faire partie de ceux dont Allah est satisfait d'eux, il est impératif de suivre les compagnons, radiallahu anhum, comme cela est cité dans le verset qu'on a vu durant le cours précédent. Mais ici, l'imam Al-Fawzan, hafidhahullah, Il attire notre attention sur un point très important, qui est que ces gens-là, les gens de la Sunna, les gens qui sont réellement les gens de la Sunna, ils ne suivent pas les pieux prédécesseurs, ils ne suivent pas les Sahaba par des prétentions. Ce ne sont pas des prétentions. Oui, je suis les pieux prédécesseurs. Oui, je suis les salafs. Oui, je suis les Sahaba. Des prétentions. Mais ils les suivent réellement. Ils les suivent bi ihsan. Ils les suivent donc de la meilleure des façons. Wa itqan. Ils les suivent avec maîtrise. Wa ndibat. Ils les suivent. Ils maîtrisent cela. Comment est-ce que tu maîtrises un sujet? Dis-moi. Ô toi, mon frère qui écoute cette parole, comment est-ce que tu maîtrises un sujet? C'est en l'étudiant. C'est en l'étudiant. Tu veux devenir ingénieur et maîtriser le sujet? Tu vas étudier. Tu veux devenir docteur et maîtriser le sujet? Tu vas étudier le sujet. Même dans le sport, ça te demande d'étudier. Le sport, ça s'étudie. Comment se déplacer, comment respirer, comment courir, comment freiner, ça s'étudie. Et donc, tu veux maîtriser un domaine, tu vas devoir l'étudier. Tu vas devoir l'étudier, que tu le veuilles ou pas. Et donc, ceux qui suivent réellement les compagnons, ceux qui sont sur la voie des pieux prédécesseurs, ils apprennent. Ils étudient. C'est pour cela qu'il nous dit, le Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala, et donc, ils les ont suivis avec maîtrise, après avoir connu ce sur quoi ils étaient, après avoir étudié cela avec la science profitable. Hmm? C'est pas n'importe quelle science, c'est la science profitable. Hein? Et donc c'est important, barakallahu fikoum, d'accorder du temps à l'apprentissage de notre religion. Nous devons apprendre. Il n'est pas correct et convenable de rester comme cela. Oui, oui, je suis les salafs. Toute la journée, c'est dounia, dounia, dounia, dounia. Combien d'argent je vais gagner? Combien d'argent je vais gagner? Dounia, dounia, dounia. Et après, à la fin de la journée, oui, oui, je suis les salafs. Je suis les pieux prédécesseurs. Mais les pieux prédécesseurs, déjà, c'était qui? Hein? Les pieux prédécesseurs, qui étaient les pieux prédécesseurs? Ensuite, quelle était la croyance des pieux prédécesseurs? Quels sont les signes distinctifs des pieux prédécesseurs? Allahu alam, je suis les pieux prédécesseurs. Je connais tel savant, je connais tel savant, je le connais. Il y a des vidéos de lui sur, sur YouTube. C'est ça le manhaj. C'est ça le manhaj salafi. C'est ça le manhaj, la voix de Ahlus Sunna wal Jama'a. C'est ça la voix du groupe sauvé. Al-Firqatu Najiya. Al-Firqatu Mansoura. Le groupe qui est secouru. C'est ça leur voix? Jamais. Non, non, ce n'est pas ça leur voix. Leur voix n'est pas basée sur l'ignorance. Leur manhaj, les pieux prédécesseurs n'étaient pas basés sur l'ignorance. Mais ils faisaient l'effort d'apprendre. Et ici, une petite parenthèse. Par rapport au fait qu'ils ont été appelés le groupe sauvé. Le groupe sauvé ne veut pas dire que tous les membres du groupe sont sauvés. Attention, ce n'est pas parce que tu as connu le groupe sauvé, que tu as connu les signes distinctifs du groupe sauvé, que ça veut dire que toi, tu es forcément sauvé. Ce sont deux choses totalement différentes. Le groupe sauvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ce groupe-là est sauvé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit que Abdul Karim est sauvé. Il faut faire la différence entre les deux. La différence entre le groupe sauvé et la différence entre toi-même, l'individu. Voyez. Car il se peut qu'il y ait des péchés que la personne fasse. Et que ces péchés vont faire que cette personne, elle mérite le châtiment avant d'entrer au paradis. Ou autre. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, à ce que tu ne te sentes pas sauvé. Certaines personnes, elles ont appris les caractères. Ah, c'est ça, Ahlus Sunnati wal Jama'a. Alhamdulillah, alhamdulillah. Il ne fait plus les nawafil, les actes surérogatoires. Et il délaisse le jeûne surérogatoire, les prières surérogatoires, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il est dans le groupe sauvé. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que les compagnons, ils étaient comme ça? Et donc ça, c'est la preuve que tu ne les suis pas correctement. Les compagnons, est-ce qu'ils ont délaissé les actes surérogatoires ou alors est-ce qu'ils se concurrençaient dans cela? Et donc c'est la preuve, si tu es comme tel, c'est la preuve que tu ne les suis pas correctement. Tu ne les suis pas correctement. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre ce sujet. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, « Wala yakunu dhalika illa ba'da ta'allumin wa ma'rifat wa ma'rifati ma alayhi as-sabiqun al-awwalun fi al-i'tiqadi wa al-'amali hatta nattabi'ahum bi ihsan. Amma man kana yajhalu ma kanu alayhi fa innahu la yattabi'uhum bi ihsan wa in kana harisan 'ala ittiba'ihim. Allahu akbar. Allahu akbar. » Quelle belle parole, quelle belle parole, quelle belle recommandation, quelle belle recommandation, les gens de la sunna. Et donc il nous dit, le Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, et l'on dit, et cela, donc le fait de connaître, le fait de suivre les pieux prédécesseurs, et l'on dit, cela ne peut se faire qu'après avoir étudié, qu'après avoir connu ce sur quoi étaient les premiers, les prédécesseurs. Et donc tu dois connaître la religion qu'avaient les premières générations de l'islam. Quelle était leur pratique? Il nous dit, après avoir connu ce sur quoi ils étaient, dans la croyance et dans les œuvres. Je répète, dans la croyance et dans les œuvres. Et donc, comment ils étaient dans la croyance? Il faut que tu apprennes quelle était la aqida, la croyance que ces gens-là avaient. Il faut que tu apprennes quelles étaient leurs œuvres. Hein? Avant de nous dire, je délaisse les actes surérogatoires, je délaisse ci, je délaisse ça, hein, j'ai pas le temps, parce que, alhamdoulilah, j'ai compris, j'ai étudié l'usul thalatha, j'ai étudié le qawaid arba'a, j'ai étudié l'usul sunnah de l'imam Ahmed, khalas. Est-ce qu'ils étaient comme ça, les pieux prédécesseurs? Là, wallah, ils n'étaient pas comme ça. On a, une fois, je parlais avec un frère qui me parlait par rapport aux fitanes, qui me parlait des fitanes qui ont touché, justement, les personnes, les gens d'Ahlus Sunnah et ceux qui s'affilient à la Salafia. Et donc, il me parlait du fait de ne pas prendre position. Et me disait que, donc, il me disait que lui, ça fait depuis longtemps, depuis des années, il connaît la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Je n'étais sûrement même pas musulman. Il me dit, je suis toujours, à chaque fois, je répète les trois fondements, les quatre règles, les trois fondements, les quatre règles, les trois fondements. Il me dit, pourquoi est-ce que je vais rentrer dans une fitna alors que je suis que à ce niveau-là? Et donc, est-ce que les pieux prédécesseurs se suffisaient d'apprendre cela? Oui, il faut que tu apprennes les trois fondements. Oui, il faut que tu apprennes les quatre règles. Mais il n'y a pas que ça dans la sunna, mon frère. Il n'y a pas que ça dans la sunna. Il faut que tu apprennes un peu plus. Les pieux prédécesseurs ne se suffisaient pas de cela. Ils apprenaient tout ce qu'ils pouvaient apprendre. Tout ce qu'ils pouvaient apprendre dans leur religion, afin de ne pas être leurrés par les troubles qui arrivent, comme c'est le cas. Et donc, quelle belle leçon qu'il nous donne l'imam Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Et donc, cette pratique, la pratique des gens de la sunna, et le fait de suivre les pieux prédécesseurs, cela ne peut se faire que si on étudie et que si on connaît donc ce sur quoi ils étaient dans la croyance, dans les œuvres, afin qu'on puisse les suivre de la meilleure des façons. Il continue, il nous dit, par contre, celui qui ignore ce sur quoi ils étaient, alors celui-ci, il ne les suit pas de la meilleure des façons. Ce n'est pas la parole d'Abdul Karim, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan. Hein? Il ne faut pas me dire, Abdul Karim, il a dit qu'on ne suit pas les salafs. Ce n'est pas la parole d'Abdul Karim, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan. Il ne les suit pas de la meilleure des façons. Celui qui ignore ce sur quoi ils étaient, il ne les suit pas de la meilleure des façons. Même si celui-ci s'efforce, écoutez bien, même si celui-ci s'efforce de les suivre. Je répète en arabe pour qu'on ne dise pas que j'ai inventé. Il nous dit Amma man kana yajhalu ma kana alayhi. Mais amma man kana yajhalu ma kana alayhi. Fa innahu la yattabi'uhum bi ihsan. Wa in kana harisan ala tibaihim. Par contre, celui qui ignore ce sur quoi ils étaient, c'est-à-dire les plus prédécesseurs, alors celui-ci ne les suit pas de la meilleure des façons, même s'il s'efforce de les suivre. Et donc tu peux t'efforcer 10 fois, tu peux t'efforcer 1000 fois. Si tu n'apprends pas ce sur quoi ils étaient, tu ne pourras pas les suivre de la meilleure des façons. Alors mon frère, apprends et arrête de nous chercher des excuses. À chaque fois qu'il y a une fitna, oui, mais moi j'ai pas assez d'ilm, moi je suis que dans Usul Salasa, Qawaid Arba'a, etc., etc., etc. Et faire comme si ces livres-là, c'était des livres que pour les débutants. Non, même des personnes qui ont beaucoup étudié vont réviser et vont apprendre l'Usul Salasa. Et donc il est important, barakallahu fikoum, il est important d'apprendre notre religion. Al-Usul Salata, le fiqh, le hadith, l'aqida, le tafsir, al-fada'il, etc., etc., etc. Idhan, il continue le Cheikh Al-Fawzan. Idhan, la budda min ta'allumi ma hum alayhi hatta nasira ala atharihim bi ihsanin wa itqan. Et donc il est impératif d'apprendre ce sur quoi ils étaient afin qu'on puisse donc avancer en les suivant, donc à la trace, en suivant leur trace, donc de la meilleure des façons et avec maîtrise. Min ghayri wulwin wa la tafriit fi tibaihim wa la tasahul wa tadyi'. Subhanallah. Et donc nous devons les suivre, ces gens-là, sans exagérer, ni être négligent. Tu vas avoir des personnes qui s'affilient à la voie de tes prédécesseurs. Ils s'affilient à la voix des salafs. Ils se disent, je suis salafi. Mais lorsque tu regardes leur pratique et que tu vois l'exagération qu'ils ont, tu comprends que les salafs, les pieux prédécesseurs, les sahaba n'avaient pas cela. Et donc méfie-toi des exagérations dans la religion. Hein? Ceux qui vont mettre en garde contre tout le monde ou contre beaucoup d'individus sans avoir de preuves nécessaire pour cela, comme c'est le cas de Al-Haddadiyya. Ils font partie des exagérateurs. Ils ont donc inventé des règles dans la critique et ont critiqué des gens qui ne méritaient pas d'être critiqués. Et parmi ceux qui les ont suivis, on a Al-Musafiqa qui vont exagérer et critiquer des personnes qui ne méritent pas d'être critiquées. Ils vont même critiquer des imams parmi les gens de la Sunna. Mais si tu leur parles, ils disent qu'ils suivent les gens de la Sunna. Ils te disent, on suit les gens de la Sunna. Ils vont même te dire, on suit les kibars. La hawla wa la quwwata illa billah. Les kibars, c'est qui les kibars? Shkoun, c'est qui? Et donc, ces gens-là sont des exagérateurs. Quelles sont les preuves que vous avez, hein, pour dire que le Cheikh Rabia est cerné? Et qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, qu'on lui a fait un lavage de cerveau. Quelles sont vos preuves? La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc, il ne faut pas tomber dans ces exagérations. Il ne faut pas non plus tomber dans les négligences. Beaucoup de personnes se disent encore, elles disent qu'ils suivent la sunna. Mais ils sont négligents. Dès qu'on leur parle de mise en garde, ça leur donne mal à la tête. Ils n'arrivent pas à supporter ce sujet. Mise en garde. Oh, oubillah ! Comme si ça ne faisait pas partie de la religion. Ce sont des négligents. Hein? El-moumeyya, ahloutamiyya. Ils peuvent s'asseoir avec tout le monde, sans problème. Alors que ceci est contraire au fondement d'Ahl-Sunnah. Il y a une différence entre, donc prêcher des gens, etc., etc., mais aller assister au cours de n'importe qui, fréquenter des moubtadi'a, etc. Non! Tu vas fréquenter des awem, des gens de la masse, tu veux les prêcher, tu veux les ramener vers la sunna. Alhamdulillah, oui, continue. Tu vas fréquenter des innovateurs, on va te dire jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce n'est pas la voie des gens de la sunna. Et donc tu vas trouver des exagérateurs qui vont te dire non, il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas fréquenter même les awem. Ça, c'est de l'exagération. Qui t'a dit ça? Et tu vas trouver des négligents qui vont fréquenter même Ahlul Bidah. Hein? Ils vont voyager donc et tu peux les voir au Maroc ou ailleurs avec des têtes de la Hizbiya, avec des leaders parmi les sectaires. Normal, sans problème. Hein, se faire des accolades, etc. Sans problème. Ça, c'est du tamir, de la négligence. Et donc, les gens de la Sunna sont dans le juste milieu. Ils sont dans le juste milieu. Et d'où la parole très connue des pieux prédécesseurs. « Man khafiyat alayna bid'atuhu, lam takhfa alayna ulfatuhu. » Celui dont son innovation ne nous apparaît pas clairement, alors ses fréquentations, elles nous apparaissent. Et donc, le sunna, les gens de la sunna font attention à leurs fréquentations. Ils ne sont pas exagérateurs dans ce sujet, ils ne sont pas non plus négligents. Il faut que tu fasses très attention à cela. Et ensuite, il continue l'imam al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit لأن tariqatahum هي الطريقة السليمة الوسط التي ليس فيها تفريط ولا إفراط car leur voie, c'est-à-dire la voie des plus prédécesseurs, c'est la voie qui est préservée, la voie dans laquelle il n'y a pas, c'est la voie du juste milieu, celle sur laquelle il n'y a pas d'exagération ni de négligence. Regarde comment ils étaient, les pieux prédécesseurs, les sahaba, dans leur comportement avec les premiers groupes qui ont apparu en l'islam. Comment ils étaient avec eux? Est-ce qu'ils les fréquentaient? Non, ils ne les fréquentaient pas. Maintenant, regarde certains meshayikh qui vont faire des séminaires avec Ahlul Bidah, qui vont aller faire des rencontres chez eux, etc. Sans problème. Ceci est une grosse problématique. D'où le fait que nous recommandons à nos frères de profiter de la science des gens qui sont clairs, qui suivent de manière claire, qui suivent les pieux prédécesseurs avec ihsan, de la meilleure des façons, wa itqan, avec maîtrise, sans exagération ni négligence. Et donc il continue, le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, ليس فيها تفريط وذلك بالسير على غير نعم il continue il nous dit ليس فيها تفريط وذلك بالسير على غيرها مع الادعاء باننا عليها ومن غير افراط اي من غير غلو وتطرف بل باعتدال بخلاف ما عليه الغلاة المتشددون وبخلاف ما عليه المتساهلون المضيعون. Et donc il nous dit le Cheikh Al-Fawzan hafizahullah. Et donc le fait, donc il n'y a pas sur cette voie, il n'y a pas de négligence ni d'exagération. Et donc il n'y a pas de prétention, nous ne les suivons pas par prétention. Mais lorsque tu suis les pieux prédécesseurs, tu vas les suivre de manière concrète, la voie du juste milieu. Sans qu'il n'y ait d'exagération. Mais par contre, oui, lorsque nous allons les suivre, il y aura du i'tidal, le fait d'être juste, d'être dans le juste milieu. Contrairement à ce sur quoi sont les exagérateurs et les négligents et ceux qui sont perdus. هذا ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فلا نكون متبعين لهم بإحسان إلا إذا سلمنا من الجهل بطريقتهم. Et donc il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, et donc voilà ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs parmi les Muhajiroun et les Ansar, donc les compagnons. Et donc nous ne pouvons les suivre de la meilleure des façons que donc si nous sommes préservés de l'ignorance quant à leur voix. Et donc, on ne peut les suivre de la meilleure des façons que si on connaît leur voix. Et que si nous sommes préservés de l'exagération et de la négligence dans la manière dont nous les suivons. Les frères, ce sujet est un sujet très important. À notre époque, les gros manquements que nous allons trouver se trouvent dans ce sujet. L'exagération et la négligence. Beaucoup de personnes se disent, vous allez voir, beaucoup de personnes vont se dire salafi. ou beaucoup de personnes vont se dire suivre Ahlus Sunnati wal Jama'a. Les manquements, ils vont être où? Dans l'exagération ou la négligence. Voilà pourquoi il faut connaître la voie sur laquelle étaient ces gens-là. Pour ne pas être leurré, pour ne pas tomber dans des exagérations ni dans des négligences. وَسَلِمْنَا مِنَ التَّفْرِيطِ وَالتَّسَاهُلِ فَنَكُونُ حِنَئِذٍ قَدْ سِرْنَا عَلَى مَنْهَجِهِمْ وَاتَّبَعْنَا سَبِيلَهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et donc si nous sommes préservés de l'exagération et de la négligence, alors à ce moment-là, nous les suivons réellement et nous suivons leur voie de la meilleure des façons. هَذَا هُوَ الْمَنْهَجُ السَّلِيمِ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Voilà la voie préservée que suivent les gens de la sunna et du groupe خِلَابِ خِلَافِ مَا عَلَيْهِ السُّوفِيَةِ وَالْمُبْتَدِعَةِ, contrairement à la voie que suivent les soufis, donc les soufis et les innovateurs, وَبِ خِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَاتِ وَالْحِزْبِيَاتِ الَّتِي تَتَّبِعُ مَا يُخَطِّتُ لَهَا ما يخطط لها منظروها ورؤساؤها الذين قال عنهم الله تعالى في كتابه فتقطعوا أمرهم زبر بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Et donc la voix des gens de la sunna, elle est contraire à celle aussi des jama'at, des groupes, des multiples groupes sectaires. Le sectarisme, qu'est-ce que le sectarisme? Le sectarisme, notez bien, le sectarisme, c'est le fait de suivre aveuglément une voie, un mouvement, une pensée, ou une parole, ou une croyance qui est contraire au Coran et à la Sunna, et le fait d'allier à cela l'alliance et le désaveu. Comme Al-Musafiqa, le fait que leur chef va mettre en garde contre certaines personnes sans ramener d'arguments concrets. Le fait que leur chef, il va taxer certaines personnes de fornicateurs. Le fait que leur chef va critiquer des grands savants en disant que ceux-ci sont cernés, et que ceux-ci ou que ceux-ci ne représentent rien, etc., etc. Il va prononcer ces paroles-là qui sont contraires à la voix des gens de la sunna, contraire à la voix des pieux prédécesseurs, et ensuite, ses suiveurs, ils vont le suivre aveuglément dans cela, et en plus de cela, ils vont adopter l'alliance et le désaveu pour ces paroles-là. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord avec le cheikh, on met en garde contre toi aussi. Et donc, oh chers frères, barakallahu fikoum, il faut qu'on apprenne ce qu'est le sectarisme, afin qu'on puisse reconnaître les sectes. Et donc, ces gens-là, il nous dit le cheikh Al-Fawzan, ces gens-là vont suivre ce que leurs leaders leur ont préparé. Ils vont suivre la voie que leurs suiveurs leur ont demandé de suivre. Ils ne vont pas suivre la voie des pieux prédécesseurs. Et cela va être comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit d'eux dans son livre, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. La hawla wa la quwwata illa billah. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chacun des groupes sera fier de ce qu'il a. Ils sont fiers que leur cheikh ait fait ce qu'il a fait. Ils sont fiers, imaginez-vous les frères, fiers qu'un cheikh insulte dans une mosquée. Fiers de cela, et ensuite, après que le cheikh ait fait ça, el hafiz. Lui faire des éloges dans tous les... Fier de cela. La hawla wa la quwwata illa billah. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe est fier et heureux de ce qu'il a. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on continue avec les signes distinctifs des gens de la sunna la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبي أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.